J'avais toujours le nez levé vers les étoiles et dans l'espoir que je retournerai un jour. We'll be right back. look and listen.